Échangeur 22, 2015-2017. Accompagné. 2025. 10 années plus tard. La résidence accompagne. Des visions surgissent par flash. Des images s'entremêlent, renvoyant aux 3 années de présence à Saint-Laurent-des-Arbres. Entre 2015 et 2017. Des tableaux défilent. La série d'énormes dessins à l'encre de Chine, les nombreuses expérimentations autour des mécanismes d'accrochage absurdes et innovantes, le corps d'une chorégraphe qui performe sous le soleil écrasant du mois de juillet, les bâches en plastique transparent qui dansent, emballées par le vent mistral. Le chat allongé sur le ciment de la terrasse. La photo d'une chaise en grand format collée au mur. Des vieilles images de Rio de Janeiro lors d'une séance de cinéma en plein air, la nuit tombée. Ces visions transportent vers le cadre hors norme de l'échangeur 22, lieu propice à l'invention et au débordement du geste expérimental. Le défilé d'images se poursuit. Les résidents qui se déplacent dans les espaces intérieurs et extérieurs de la maison. Un mouvement d'entresort, d'atelier en atelier. Quelqu'un croise un scorpion. L'air chaud. Toujours chaud. Les images reviennent par fragments. La traversée des couloirs reliant les niveaux de la maison. La pièce du four à céramique, la petite cuisine. D'une pièce à l'autre, des temps de rencontre, de prise de notes et d'images pour le registre, pour les archives. Et enfin, l'arrivée à la table installée sur la terrasse, autour de laquelle se tiennent des longues conversations ponctuées par les voix et les rires du collectif. Il va pas manger, dans un idiome compris par tous, aux multiples musicalités. La visite de Monsieur le maire un samedi de portes ouvertes d'ateliers d'artistes. Le cours d'expression corporelle avec une metteuse en scène. Le bal de la fête du village. Une visite à Nîmes. La lumière surexposée tache les images qui se succèdent. Certains se baignent dans la piscine en fin de journée, tandis qu'un groupe se pose sur l'herbe. L'ambiance estivale sert de fond à ces scènes. L'intense chaleur sèche de Provence et l'agressivité prolongée du Mistral sont des éléments de contexte avec lesquels il faut se concilier. Par ailleurs, il faut aussi se concilier avec le collectif comme instance temporaire d'exercice de l'être avec. 10 années auparavant, accompagner le projet dans sa genèse. Début de l'année 2015, le premier draft du programme de résidence artistique Échangeur 22 est partagé avec les curatrices et les artistes du réseau de Marie-Cécile Conny de Beissac. Se formalisent les invitations au premier temps de réflexion autour de la mise en place de l'édition pilote de la résidence, qui aurait lieu quelques mois plus tard dans le Gard. La notion d'accompagnement traverse les nombreux axes de travail mobilisant les équipes. Tout d'abord, accompagner la structuration du projet, en vue de son implantation dans la région Occitanie à l'époque, récemment créée dans la réforme et par la réforme territoriale de 2014. La structuration comprend la création de l'association 1901, le développement d'un réseau professionnel, des rencontres avec les acteurs culturels du territoire et d'ailleurs, ainsi que l'identification des partenaires divers, associatifs, institutionnels, financeurs, mécènes, en France et à l'étranger. L'élaboration d'un modèle économique pour la structure prévoit les moyens nécessaires à l'installation et à l'aménagement des ateliers et espaces communs de la maison. Il en découle l'élaboration d'un budget pour la première édition du programme de résidence, celui qui est destiné à couvrir les frais liés à la mobilité des artistes dans une échelle internationale, sécuriser les étapes de création et diffusion des œuvres. En parallèle, la rédaction du projet scientifique et culturel portant une attention particulière à l'accueil en résidence. Printemps 2015. Le projet pilote, ou projet P, réunit un collectif de professionnels qui apprend à se connaître et à travailler ensemble. Pour la plupart, il s'agit de concilier le temps dédié à l'échangeur 22 avec d'autres activités professionnelles, et souvent à distance. Depuis Paris, Rio, Tokyo, juillet 2015, la maison historique située dans le village classé de Saint-Laurent-des-Arbres ouvre ses portes pour accueillir les 7 premiers résidents. Mars 2016. L'expérience du collectif se prolonge. Une restitution du projet P a lieu à Rio de Janeiro et assume le format d'une exposition collective. Accompagné, curare, prendre soin d'eux. La curatrice traverse la porte de la pièce atelier et s'arrête devant les objets dispersés dans l'espace. Elle identifie les flacons remplis de pigments de couleur ocre en cours de manipulation. Des écorces d'arbres, des feuilles de papier de grande dimension posées au sol, des outils divers organisés sur une table, et la peinture encore humide que recouvre un dessin accroché au mur. Elle s'installe, elle regarde l'artiste. Celle-ci est assise derrière son ordinateur, son portfolio ouvert. La séance commence dans cet espace d'intimité temporaire. La curation est tout d'abord un exercice d'écoute. Une écoute attentive et respectueuse de la voix de l'autre. Il s'agit, au tout début du processus d'accompagnement, d'accueillir par la parole, d'accueillir la parole, d'y agréger une lecture et de la renvoyer à l'émetteur. L'exercice de curation, en tant que geste complice et intime de mise en récit de la parole, contribue à approfondir des concepts, à révéler des intuitions et à organiser des intentions. Parce qu'on a eu le cas au parc Élage d'un exercice où il demandait d'écrire un manifeste de accompagné, tu vois. Sauf qu'en fait, être avec plusieurs. Dans son rôle au sein de l'échangeur 22, la curatrice opère un changement d'échelle, du singulier au pluriel, de l'individu au collectif. Flavie Valerio Terici Montani, Manuela de Medeiros, Marcelo Giacomi, Eri Anne-Lenaga, Pauline Chapé, Thiago Antonio, Takashi Guillaume Barborini, Fabia Schnorr, Shotaro. Étant donné que la singularité de chacun est indissociable de l'être avec plusieurs, qu'une singularité est indissociable d'une pluralité, reste à confronter les codes, les vécus, les savoirs, les rêveries et les fantasmes. Accompagner la résidence, l'endroit où les mondes se touchent. Dans les dynamiques individuelles et collectives, la résidence permet d'activer le partage des petites et grandes narratives, autant celles des tragédies, propres aux parcours individuels, que celles typiques des récits fondateurs, les cosmologies, les mythologies. L'échangeur 22 occupe cette zone de frontière décrite par Leonora Amiano. Je cite « L'endroit où les mondes se touchent, inlassablement. C'est le lieu de l'oscillation constante. » D'un espace à l'autre, d'une sensibilité à l'autre, d'une vision du monde à l'autre. C'est là où les langues se mêlent, pas forcément de manière tonitruante, s'imprégnant naturellement les unes des autres pour produire, sur la plage blanche, la représentation d'un univers composite, hybride. Je termine la citation.